C'est un beau matin de repos, où le soleil frappe au carreau, il n'y a pas un brin de vent, aucun trafic et pas de gens, sur la mer tout est calme, on aperçoit plusieurs voiliers. Cette jolie femme qui n'a pas voulu m'oublier. Penser à rentrer avant que le froid. froid ne vienne. Le soleil s'est couché entre le ciel et l'océan. Regarde de l'autre côté, dans le noir, les lumières des appartements. Le travail est replongé, se noyer dans l'information.